J'ai passé mon enfance dans un joli village qu'on appelait jadis la petite Italie. J'ai laissé mon enfance dans ce joli village, mes copains, mes amis, mes peines et mes soucis. Le temps nous fait courir, le monde est un peu fou. Le temps nous fait mourir, où sont donc ces beaux jours? J'ai tant de souvenirs et le cœur plein d'amour pour ces gens du pays que j'ai connus un jour. J'ai laissé tant de joie dans ce joli village et parfois trop de larmes, mon cœur n'oubliera pas. J'ai chanté tant de fois dans ce joli village, j'y repasse parfois dans ces rues pleines de charme. Le temps nous fait courir, le monde est un peu fou. Le temps nous fait mourir, où sont donc ces beaux jours? J'ai gravé dans mon cœur des veillées sans nuages, des moments de bonheur, ce regard d'enfant sage. Une partie de moi-même y repose aujourd'hui, où brive mon village, tu as bâti ma vie sur des valeurs humaines, et je t'en remercie. Où brive mon village, je t'aime, et tu le dis. Je t'aime et te le dis.